بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب تنبيه قبل أن نبدأ، parce qu'on avait pris dans les sujets, les masaïl en plus dans Bab al-Ghusl, quand on a mis des masaïl qui n'ont pas été évoqués dans le livre. On avait mis dans la cinquième masala al-Bawl fil mustaham. On avait dit mustaham, on avait dit plusieurs sens. Et j'avais plus insisté sur le sens de le lieu où il se lave. Cette traduction peut porter à confusion. Parce que les gens, quand tu dis le lieu où il se lave, ils peuvent penser à toute la salle de bain entière. Ils vont pas uriner dans la salle de bain. Ou vous pensez au hammam entier, comme on a aussi au Yémen, où tu as la salle de bain qui est réunie avec les toilettes. Et les gens vont croire qu'on peut pas faire, on peut pas uriner dans ce lieu-là. En fait, non. Ce serait plus l'eau que tu utilises pour te laver, en fait. De ne pas uriner dans l'eau que tu utilises pour te laver. Et non pas le lieu en lui-même. Parce que c'est les blachèques ici, par exemple le hammam, c'est fait pour uriner. Donc comment tu ne vas pas uriner dedans, hein? Donc la mustaham, Allah alam, parmi le sens voulu, c'est l'eau dans laquelle tu te laves. Après, il y a également le lieu dans lequel tu te laves quand c'est juste une salle de bain. D'où les hammam public, comme on avait parlé. Le hammam public, c'est un lieu où à la base c'est pas les toilettes. Ouais, mais ça c'est autre chose. Mais à la base, quand tu vois hammam, c'est pas pour aux toilettes, c'est pour se décrasser ou quoi, avec la chaleur, avec la vapeur. Tu vois, donc le sens voulu là, quand on dit hammam public, c'est pas le sens voulu des toilettes. Ce qu'on veut là, c'est la salle de bain, comme une salle de bain générale publique dans laquelle il y a des vapeurs, tout ça, et voilà quoi. Hammam. طيب ستنبيه بعباسه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس بعد المئة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟ Donc dans le 105e hadith, selon Anas, رضي الله عنه, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que si la femme voit en rêve ce que voit l'homme, c'est-à-dire, on va dire un rêve érotique, comme ils se disent ça, tu vois, dans lequel elle aurait des rapports, des choses qui sont liées au sexe, et qu'après elle en vient à voir le mani qui sort. Dans le hadith c'est pas dit, mais c'est ça le sens voulu. Comme l'homme, par exemple l'homme il a un rêve de charme comme ça, et après il éjacule. Mathalan. La femme pareil. Donc il dit, tartasil, elle se lave. Muttabakun alayhi. Et Muslim a ajouté que Umm Salama elle a dit, et est-ce que cela a lieu? Umm Salama dit, est-ce que cela a lieu? Il dit oui. Sinon, d'où donc est la ressemblance? Tamam? Donc cela a lieu pour la femme également. Qu'elle ait des rêves comme ça, et que ça en arrive à ce que son mani sorte. Donc il dit, Al-Masa'ilu wal-Ahkamu al-Mustafalatun del Hadith. Mas'alatun. Halat. Les situations, lorsqu'on voit le sperme, on va dire, le liquide plutôt, parce que c'est plus général, ça va venir après, après le sommeil. Après avoir dormi, tu te réveilles et tu trouves du liquide. Donc il y a trois cas de figure. Le premier, qu'il fasse, là c'est un versala général, homme et femme. Quand hein. Même c'est homme et femme. Là, le hadith est venu pour la femme, le jumeau est pour les deux, il est pareil. Juste le hadith démontre bien que la femme également peut avoir un rêve, peut avoir des, son sperme qui sort. Comme je dis encore une fois, je ne sais pas si on peut dire sperme en français, pour la femme en tout cas, son mani, il sort. Le mani de la femme, il sort. Donc il y a trois cas de figure. Premier, que la personne fasse un rêve, quand même, un rêve sexuel, comme on dirait. Ensuite, en se réveillant au matin, il voit le sperme sur son vêtement. Lui, le rousse, est obligatoire. Il a fait le rêve, il a vu le sperme. Donc le rousse, est obligatoire. Deuxième, qu'il ait fait le rêve et le matin ne voit rien. Pas de traces. Donc lui, il n'a pas de rousse à faire. Et troisième cas, c'est qu'il ne se rappelle pas s'il a vu un rêve ou pas. Cependant, le matin, il voit du sperme sur son vêtement. Lui, il fait le rousse. Et ces trois cas de figure, c'est Ijmar dessus, il dit. Ijmar dessus. Et le dalil, c'est le hadith qu'on vient de prendre là de Anas. Plus la joue avec Umm Salama. Ça y est, mas'alatun. Deuxième mas'ala. Izan tabaha min al-nawm faraha balalan wa lam ya'lam hal wa mani am aw ghayruh. Donc si jamais il se réveille de son sommeil, puis qu'il voit du liquide, voyez, chose humide, mais qu'il ne sait pas si jamais c'est du sperme ou pas, comment doit-il réagir? Donc là il dit, dans la mas'ala, il doit analyser la chose, jusqu'à la sentir, regarder ce qu'est ce liquide, il analyse. Et si jamais il sent que c'est du sperme, il se rend compte que son esprit penche plus que c'est du sperme, alors il fait le rousse. Et par contre, s'ils pensent que c'est plus du mazi, au tambi, comme on avait dit, le mazi, c'est également, même plus, c'est pas, tu peux dire liquide prostatique, mais c'est liquide séminal. Liquide séminal. Donc c'est bien comme on avait dit au début. Et les deux apparemment, ils sont valables. Mais j'ai l'impression que le séminal, il est plus employé. Séminal, il est plus employé. En tout cas, tu peux dire l'équipe prostatique et l'équipe séminale. Mais apparemment, le séminal, il est plus connu, je pense. Donc, toutes les fois, on a dit l'équipe prostatique, pour ceux qui ne savent pas, c'est on vise le l'équipe séminale qui veut dire qui est le mazi en arabe. Donc, si jamais il pense que c'est du mazi, alors lui, il n'y a pas de rousse à faire. Et si par contre, il n'arrive pas à distinguer est-ce que c'est du mazi ou du mani, quand même, et qui reste dans le doute, des ulama disent qu'il n'a pas de rousse à faire. Quand même. Pourquoi on avait dit la règle? Al yaqin la yazulu bishak. Que la certitude, vous voyez, ne part pas par le doute. Et là, il n'est pas sûr de ce que c'est. Il n'est pas sûr de ce que c'est. Et donc, on a dans le Mourni, il dit que, à la base, la certitude, c'est que tu n'es pas en janaba. C'est la base. Tu n'es pas en janaba à la base. La janaba, c'est une chose en plus qui arrive. Donc, la base, tu n'es pas en janaba. Donc, cette janaba n'apparaît pas, du simple fait que tu doutes. Et d'autres ulama voient qu'il est obligatoire qu'il se lave. Les autres ulama voient, eux, qu'il se lave. Après, Dimas Allah, Idharaha, et apparemment, le col que Shir Ibn Hizam choisit, c'est que tu n'as pas de roufle. C'est pas obligatoire. Et c'est également le col de Shir Mohamed Ibn Ibrahim, Rahmanullah Ta'ala, et de Shir Ibn Baz, et de Shir Al-Saymin. Naam. Après, Dimas Allah, Idharaha al-Mani fi thawbihi, ou firashi, s'il voit du sperme sur son vêtement ou sur son lit. Donc Ibn Qudama, il rapporte que si jamais il voit sur son vêtement du sperme et que seul lui seul se revêt de ce vêtement pour dormir, alors il le rousse à faire. Car ça peut être que de lui. Ça peut être que de lui. C'est-à-dire il prend son vêtement et après, il se rend compte qu'il y a du sperme sur le vêtement. C'est un vêtement qui n'est propre qu'à lui. Donc là, c'est une qualina quand il y a que, quand même, il est éjaculé, donc il doit faire le rousse. Et par contre, s'il envoie sur un vêtement, il y a un nid qui n'est pas le seul à mettre. Quand même. Parmi ceux, également, c'est un vêtement qui est partagé avec des personnes qui, eux-mêmes, peuvent éjaculer. Par exemple, c'est pas un enfant. Un enfant, il n'a pas encore de sperme, mathalan, qui n'est pas encore pubère. Donc, si jamais ce vêtement est partagé entre personnes, quand même pubères, donc il dit qu'il n'y a aucun rousse sur l'un ou sur l'autre. Il dit. Car chacun peut se dire, ce n'est pas de moi. Quand même, chacun des deux peut dire, ce n'est pas de moi. Donc là, l'obligation devient dans le doute. Est-ce qu'il va falloir rousse ou pas? Il rentre dans le doute. Et aucun des deux ne peut accuser l'autre. On peut dire, c'est toi, mathalan. Kazalik. Mais le kalam, il n'est pas clair. Parce qu'il est certain que l'un des deux est junoub, maintenant. Et lequel des deux? Il y en a un des deux qui est junoub. Les deux qui est junoub, on ne sait pas c'est lequel. Là, son kalam, je ne l'ai pas compris. Il n'est pas wadih. Donc, le kalam salam, on la passe. J'ai pas bien cerné où est-ce qu'il voulait en venir. Tayyib. Après qu'il vient de Masala, il dit fil hadith. Wa alaykoum salam. C'est hadith bar demi. Donc là, le Khulasa, c'est pour dire que celui qui fait un rêve, homme ou femme, et qui voit le sperme dans son réveil, dans son vêtement, quand on doit jabba aller le rosser. Le rosser est obligatoire pour lui. Tayyib. بعد هذا قال في الحديث السادس بعد المئة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحديث ضعيف donc là ce hadith là qui est le 106e selon Aïcha qu'elle ait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se lavait que de quatre choses. Le ghusl. De la janaba, le yom al-jumu'a, de la hijama, c'est-à-dire les ventouses, et du lavage du mort. Le hadith il est faible, et le sujet a déjà été évoqué. Ah non, quand c'était le jumu'a, inshallah, ça va venir également, dans le même chapitre. Donc le hadith, il n'y a pas eu de masail dessus. Certains sont déjà passés, d'autres vont arriver. Et le hadith n'est pas authentique. Le janaba, on a dit, c'est clair. Le ghusl est wajib, on a déjà pris le hadith. Le jumu'a, ça va bien. Et le hijama, on a dit quoi? C'était le hadith d'Anas, qui n'a pas de preuve. Le hadith était faible. Et le ghusl mayyit, kazalik. Hadith Abu Huraira. Porté par Abu Daoud. Il n'y a pas de preuve. Le hadith n'était pas authentique. On avait juste dit l'istirbab par rapport au hadith d'Ali. Qu'on avait raconté en plus, qui n'est pas dans le livre. Sinon, le wujub, il n'y a pas. Tayyib. Qala fi al-hadith al-sabi' wal-mi'a. Wa an Abi Hurayra. Fi qissat Thumamat ibn Uthal. Indama aslama. Wa amarahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yahtasila. Rawa Abu Abd al-Razzaq. Wa asluhu muttafaqun alayhi. Donc, il nous, selon Abu Hurayra, dans l'histoire de Thumamah ibn Uthal, qui était à l'époque un mushrik. Qui a été fait prisonnier et qui a été bien traité. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a relâché. Car on a vu de lui qu'il y avait des signes que l'islam l'a intéressé. On en avait parlé dans le livre, dans Raf al-Manar, de Cheikh Yahya. Et au final, il s'est converti. Quand même. Donc, lorsqu'il s'est converti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de se laver, de faire le ghusl. Et dans Bukhari Muslim, il dit. On rajoute, c'est une masala qui est importante. فانطلق إلى النخل قريب من المسجد فاختصر ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Qu'il est parti vers un palmier proche du masjid, qui s'y est lavé, après qu'il est rentré dans le masjid, qu'il a fait la shahada. Et cela démontre que le ghusl de l'islam est avant la shahada. Tu fais le ghusl avant la shahada. Mais ça, c'est encore dans salat, tu vois. Taïeb. Donc il dit, c'est quoi le sujet maintenant de ce hadith? Hukmu ghusl al-kafir idha aslama. Le jugement du lavage du mécréant, si jamais il s'est converti. Il dit, il y a trois calls. Premier call, que ce ghusl est obligatoire dans l'absolu. Qu'il s'agisse d'un kafir d'origine ou d'un apostat qui se repent, qui rentre dans l'islam. Et qu'il était junoub ou pas. Quand même. Ça, c'est la parole de Malik et de Ahmed et d'autres. Et leur preuve, c'est le hadith, là, cité ici. Dans un autre hadith, c'est venu également, hadith Qais ibn Asim, chez Abu Daoud, au Nasa'i, « Anou aslama fa amarahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, an yartasila bima'in wa sidrin. » Un autre hadith qui est venu de Qais ibn Asim, lorsqu'il s'est converti, que le messager Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a ordonné de se laver avec de l'eau et du jujubier, qui donne une bonne odeur. Et que le hadith a été authentifié par Cheikh Moukbil dans son livre Al-Jami al-Sahih. Et qu'il a même fait un chapitre. Cheikh Moukbil, par ce hadith, il a même fait un chapitre. Donc là, c'est le kalem choisi également par Cheikh Okahani et par Cheikh Al-Othaymin. Donc ça, c'est la première parole. Taïeb, lavage obligatoire. Deuxième call, istirbam al-Ghusl, qu'il a recommandé. À part pour ceux qui étaient junoub. Ceux qui étaient junoub, lui, doit faire obligatoirement. C'est le col de Shafi'i. Et une version selon Ahmed. Et également certains Hanabila, compris ce col-là. Et c'est quoi la preuve? C'est les deux mêmes hadiths cités précédemment. Celui de Abu Huraira et celui de Qais ibn Asim. Quand ils disent quoi? Pourquoi c'est juste mustahab et pas obligatoire? Parce que beaucoup de sahaba sont convertis à l'islam. D'accord? Et que le prophète ne leur a pas ordonné de se laver, de faire le ghusl. C'est venu très peu. Taïeb. Par contre, le ghusl de janaba est obligatoire, comme ils disent. Car l'islam, si jamais tu n'es pas en état de tahara, c'est pas tout l'islam qui est purifié. Par exemple, demain tu vas faire la. T'as fait la shahada, tu vas faire la salat, tu fais pas salat direct, tu fais l'odo. La conversion en soi ne t'a pas purifié, si tu n'étais pas en temps de tahar. Et troisième call, c'est que le ghusl est mustahab mutlaqan, c'est-à-dire janaba ou pas. Ça c'est la parole de Abu Hanifa. C'est quoi leur dalil? Qul lillazina kafaru in yantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Wa qul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, islam yahdam ma qabl. Ma kana qablahu. Akhraj Muslim, an Amr ibn al-As. Radiallahu anhu. Car c'est quoi la preuve? C'est la parole dans le sens où il dit. Et dit à ceux qui ont mécru que si jamais ils cessent, qu'il leur pardonnera ce qu'ils ont fait auparavant. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'islam abolit ou annule tout ce qu'il y avait auparavant. C'est-à-dire tes péchés sont tous effacés. Donc ils ont mis quoi également? Si jamais tu n'étais pas tahir, eh bien tu es devenu. Tamam. Donc Shir, lui voit quoi? Que la parole, pour lui qui comprend des rôles, c'est la première. C'est wajib. Tamam, c'est wajib. En se basant justement sur les hadiths, les mêmes hadiths. Car c'est un ordre, la base dans l'ordre, c'est l'obligation. Et il dit que souvent le kafir, lorsqu'il se convertit, ça c'est un point, que souvent il est junoub. Souvent le kafir qui est adulte, quand il se convertit, souvent il a déjà eu des rapports. Ou il est marié, ou il a connu des femmes, ou quoi, ou quoi, quoi. Souvent c'est ça. Mais ça, c'est un point qui n'est pas lié à l'islam. C'est un tafri qu'il faut faire. Je vais te citer après pourquoi. Et ce col-là, là, qui vient de dire Shir Yahya, Shir Ibn Hizem, tamam, je suis d'accord avec lui là-dessus. mais en même temps, c'est un argument contre le call qu'il avait auparavant dans l'apostasie. Il est apostasié. Il dit que son apostasie doit refaire le rosso. Il dit non, parce qu'entre temps, il n'a pas perdu le dos, il n'y a rien. Donc là, si jamais c'est parce qu'il était junoub avant l'islam, tant y est. Là-dessus, moi, fait quoi. Donc ça veut dire que l'islam, l'apostasie en soi, n'annule pas le dos. Sinon, il sera en contradiction. C'est-à-dire, ça se contredit ce qu'il dit là actuellement. Là. Même t'as dit ? Sinon, il devrait dire, janaba ou pas janaba, rosul, c'est tout. Pourquoi ? Pour l'islam. Mais là, il a précisé que souvent le kafir, il n'est pas tahir quand il se convertit. Donc on dit, non, d'accord avec toi. Donc ça revient à ce qu'on disait la première fois là, que le call le plus authentique, c'est que l'apostasie n'annule pas l'islam. S'il n'a pas été aux toilettes entre temps, qu'il n'a pas eu de rapport, il apostasie après, il rentre dans l'islam, il n'a pas refait le dos, ni même à se relaver. À la wajid wujud. Moi, je vois pas que le rousse, le. Moi, pour moi, le call qui parle le plus fort, c'est celui des Shafi'iyah. Le mustahab. Vous voyez ? Car comme il a dit, le nombre de sahabas qui sont convertis, avant ou après, on a très peu de hadiths qui appellent à ce qu'ils fassent le rousse. Non, c'est une chose que. Lui, il dit, ça va bien, tu vas répondre à ça. Il dit justement, quant à la parole des Shafi'iyah, la réponse, c'est qu'il ne leur a pas tous ordonné de le faire, car c'est une chose qui était connue. Il dit. Que celui qui se convertissait devait se laver. Et après, c'était une parole de Cheikh Okadi qui va dans le même sens. Pour appuyer. Et il dit, mais il leur répond disant quoi ? Il dit, bah c'est pareil. Est-ce qu'il l'a dit à beaucoup d'entre eux qu'ils étaient junoub, qu'ils devaient enlever leur janaba pour entrer en islam ? D'un côté, il y a aussi un répondant qui était Kawi. Il dit, vous voyez que il a pas ordonné à tous les sahaba de faire le rosli lorsqu'ils sont convertis. Et on est d'accord que celui qui se convertit, souvent qui est adulte, souvent des genoux. Donc est-ce qu'il leur a ordonné de se laver aussi pour ça ? Non. Donc là, les dalils s'entrecroisent, tu vois. Le khilaf, il devient kawi par rapport à ça. Mais eux, ils ont bien dit quoi ? Eux, ils ont bien dit que le rosli est mustahab pour l'islam et wajib pour le genoux. Mais dit, quand est-ce qu'il a dit à un sahabi, lave-toi pour la janaba ? Pareil. On n'a pas. Donc tu vois, la masala devient khilafiyya, c'est un khilaf kawi. Mais pour ma part, moi, je penche plus vers le col des Shafi'iyya quand même. Parce que le rose de l'islam, c'est un truc qui est trop important, qui devrait être dit. C'est comme les shahada. La shahada, c'est devenu connu. Pourtant, plein d'ahadiths sont venus faire la shahada. C'est un truc qui était connu après. Celui qui se convertissait, il savait ce qu'ils avaient dit. Bah, tout comme il devait savoir, bien que le rose, c'est pas un pilier, c'est sûr. C'est pas un pilier. Parce que c'est quoi que les Quraysh, ils voulaient pas dire ? La shahada. Donc, vous savez, c'était quoi la shahada ? On a plein de dalils qui disent que c'était connu. Pourquoi on n'a pas pour le rousse ? Si c'est un wajib en se convertissant. C'est un truc qui doit être important, qui doit être mutawatir. Il y a eu le hadith de la mère d'Abu Huraira, qui s'est lavé. Il y a celui de celui-là qui a été cité, celui de Qais ibn Asim. Il n'y en a pas des masses. Il y a eu combien de conversions ? Combien ? Quand est-ce qu'il est d'Abu Hanifa ? Le sens voulu par le verset, c'est que Allah pardonne les péchés. C'est-à-dire, ça fait comme péché auparavant, et l'islam également. Mais non pas, ça ne te rend pas pur pour autant du fait que tu peux faire une ribada sans avoir fait tahara avant. Ça ne rentre pas dedans. C'est un istidlal fi ghayr al-mawdi'i, qui est en contexte. Donc voilà. Non. Donc là, c'est le sujet par rapport au rousl de l'islam. Et Shir, lui, voit que c'est wajib. Et il y en a beaucoup, il voit ce qu'on a. Beaucoup de scroll là. Allahu ta'ala. Mais tu vois, c'est un khilaf, il est connu quand même. Taïeb. Ma foumada. Faïla huna, wa alhamdulillah, rabbil alamin.